Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1962, alors qu'elle vient d'achever son livre « L'ancien et le nouveau », une méditation sur l'origine et le destin du roman moderne, Marthe Robert reçoit la visite d'Alain Trutat, alors en charge des programmes de la chaîne de la radiodiffusion française France 3 Nationale, l'ancêtre de France Culture. Ce dernier lui propose de concevoir une série d'émissions sur Freud, qui aurait pour objet de présenter sa vie et son œuvre. Effrayée par l'ampleur de l'entreprise, Marthe Robert hésite, mais finit par accepter. Pour préparer les émissions, elle bénéficie de l'aide de Michel Foucault, qui lui donne accès à la bibliothèque d'un médecin de Poitiers qu'il a reçu en héritage, l'un des premiers médecins français à s'être passionné pour la psychanalyse et qui possédait quantité de documents sur son fondateur. Ainsi naîtront les 29 émissions qui composent la série intitulée « La révolution psychanalytique », diffusée à un rythme hebdomadaire entre décembre 1962 et juillet 1963. Elles connaîtront un succès tel que Payot proposa à Marthe Robert d'en faire un livre, édité l'année suivante. De l'enfance de Freud à la gloire qui fut la sienne à la fin de sa vie, de ses premiers travaux sur l'hystérie à la théorie de la sexualité, il s'agissait de retracer à la fois le chemin solitaire qui le conduisit à ses découvertes et l'histoire du mouvement psychanalytique dans son ensemble. Tout de suite, nous vous proposons d'entendre les deux premiers volets de cette série, une introduction dans laquelle Marthe Robert exposait ses intentions, puis le début de l'histoire proprement dite sur les origines et l'enfance de Freud. Première diffusion sur France 3 Nationale, les 1er et 8 décembre 1962. RTF France 3 Nationale présente La liberté coupable. Deuxième série, La révolution psychanalytique. Une suite d'émissions composée par Marthe Robert et réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, avec Michel Bouquet, Pierre Leproux et l'auteur, Introduction. Au moment d'exposer l'intention et le plan de cette série d'émissions que nous voulons consacrer à la psychanalyse, à son histoire, à son importance dans le mouvement actuel des idées, il me paraît équitable de donner la parole à un auditeur anonyme qui, sans être prévenu contre notre sujet, pourrait toutefois l'accueillir avec une certaine réserve. Cet auditeur fictif qui aura tout à l'heure le loisir de s'exprimer, je ne l'imagine pas du tout comme un adversaire à combattre ou un interlocuteur à persuader. Non, c'est bien plutôt dans mon esprit un homme sans parti pris, éclairé, aussi informé de notre question que peut l'être un non-spécialiste, curieux des idées de son époque. Donc, il a probablement lu deux ou trois livres classiques de Freud ou de ses élèves, quelques ouvrages de vulgarisation, et un peu partout, une foule d'articles sur les sujets les plus divers, où les conceptions psychanalytiques étaient mises à contribution avec plus ou moins de savoir et d'honnêteté. À tout cela, bien entendu, il a plutôt réagi favorablement. Tout autrement, donc, que ne le faisait, voici 60 ans, un public mal préparé, très attaché à ses habitudes de pensée et hostile d'avance à toute nouveauté. Sans aucun doute, notre auditeur impartial est agacé mais qui ne le serait ? Par l'intrusion, dans le langage courant, de termes freudiens mal compris, employés hors de propos, et le plus souvent, sans rapport avec aucun contenu scientifique. Ainsi, avoir des complexes sonne mal à son oreille. En parler lui paraît relever plus de la bêtise que d'une science quelconque. Et s'il lit un roman ou va voir un film, il n'aime pas du tout y trouver de ses motivations psychologiques tirées tout droit des textes, par quoi tant d'auteurs croient naïvement se montrer profond. Mais, nous l'avons dit, il est impartial. Et bien qu'il déplore au fond que la maladie des hommes se soit si aisément propagée à leur langage, il n'est nullement porté à la polémique. La psychanalyse est à ses yeux un fait de savoir, l'un de ces phénomènes intellectuels contemporains dont on ne peut nier sans mauvaise foi la valeur, ni le retentissement sur la pensée, les mœurs, les aspirations de notre époque. En somme, il n'est ni scandalisé, ni ironique, ni passionné, mais plutôt un peu blasé. Ce qu'il conteste est moins l'importance de notre sujet que la nécessité de s'y appesantir, car selon lui, on n'en a déjà que trop et souvent fort mal parlé. Tandis qu'autrefois, il aurait peut-être été parmi ceux qui disaient à Freud « ce n'est pas vrai » ou bien encore « je ne puis l'admettre parce que cela est contraire à la religion », nous pouvons supposer qu'il nous dira maintenant « bah, nous savons tout cela depuis longtemps. On ne peut plus nous apprendre grand-chose sur nous-mêmes, ni surtout nous étonner. » Mais c'est vrai que nous savons tout cela, et que pour ma part, je ne vois pas de raison pressante d'y revenir. Qui ne reconnaîtrait aujourd'hui que la ou les vérités découvertes par la psychanalyse relèvent souvent du simple bon sens, et que n'eussent été des préjugés tenaces et ridicules, on eût compris depuis longtemps qu'elles étaient vieilles comme le monde. La psychanalyse elle-même nous a montré que les plus grands poètes et les penseurs les plus profonds les ont toujours pressentis, et même parfois audacieusement exprimés. Il n'y a plus là matière à s'échauffer. Personne ne songe plus à nier la valeur thérapeutique de la psychanalyse dans certaines catégories de troubles mentaux, ni l'utilité de ses applications à divers secteurs spécialisés de la science et de la vie sociale. Éducation des enfants, médecine, hygiène mentale, que sais-je encore. Ceci dit, si il y a un demi-siècle, la psychanalyse a pu être pour certains une révélation bouleversante et pour d'autres une révolution scandaleuse, il me semble que cette époque est bien révolue. Toute cette agitation n'a plus de sens. Ce qui en reste aujourd'hui est soit du ressort exclusif des divers spécialistes intéressés, et là, nous serions malvenus de donner notre avis, soit du domaine de la plus triste vulgarisation, et celui-là, hélas, échappe à notre emprise. Je ne m'arrêterai pas tout de suite à votre premier argument, car le propos de ces émissions est précisément de le réfuter. Je remarquerai seulement qu'il n'est pas nouveau, lui non plus. C'est bien souvent qu'après avoir lutté âprement pour ne pas accepter une vérité nouvelle, on en est venu à la déclarer connue depuis longtemps, et frappé de péremption dès qu'il ne fut plus possible de la nier. Mais passons à votre dernier point. Il est exact que la psychanalyse déroute souvent le grand public par deux aspects à première vue bien difficiles à concilier. D'un côté, en effet, elle apparaît comme le domaine strictement réservé d'une sorte d'initiation, car elle ne peut être connue véritablement que par celui qui la pratique, soit comme médecin, soit comme patient. De l'autre, elle se donne pour un moyen d'explication et de recherche quasi universel, s'appliquant en quelque sorte par-dessus les frontières des disciplines scientifiques. D'un côté, donc, c'est une science. Et comme telle, elle tente à circonscrire exactement sa méthode, son objet et son champ d'action spécifique. De l'autre, c'est une doctrine psychologique qui, ayant acquis des certitudes, par le moyen de l'observation et de l'expérience, pense avoir le droit de les appliquer à toute l'activité psychique de l'homme, sans tenir compte des différentes rubriques sous lesquelles on classe ses produits. S'il est vrai que, comme on l'a dit, la psychanalyse est la doctrine qui tient la vie pour un phénomène plein de sens, jusque dans ses déchets et ses à-côtés. Alors, elle n'est nulle part déplacée. Elle a son mot à dire sur toutes les manifestations de la vie, sur tout ce que la vie crée en fait de formes et de systèmes, d'idées et de sentiments. Mais s'il lui faut traiter de tout cela, il est clair aussi qu'elle doit renoncer à s'adresser aux spécialistes pour parler clairement à tout le monde. C'est ce qu'elle a fait depuis ses origines, sans trop craindre, comme vous semblez le faire, les risques de se vulgariser. Ah, vous reconnaissez la contradiction, mais je ne l'en juge pas moins gênante. Comment expliquerez-vous que la psychanalyse puisse être présentée tantôt comme une science ésotérique, à tout le moins difficilement connaissable, tantôt comme quelque chose qui peut s'adresser directement à chacun, pour lui expliquer non seulement ses rêves et ses menus gestes quotidiens, mais ses amours, ses convictions, sa foi, ses doutes? Ces deux prétentions sont peut-être justifiées séparément. À mon avis, elles ne peuvent être maintenues ensemble. Et pourquoi pas? Pourquoi y aurait-il là deux vérités? L'une pour le secret du cabinet médical, l'autre pour la rue. La psychanalyse, justement, nous a appris à abolir ces frontières factices. Elle a montré, par son propre développement, qu'il n'y avait pour elle, ou que ce soit, que l'homme et son âme, ou, pour parler comme elle, sa psyché. Du reste, vous savez, le mouvement psychanalytique à ses débuts n'avait guère le choix. Par tempérament, Freud eut certainement bien préféré être un savant à la manière classique, écouté par ses pairs, mêlé à de courtoises discussions, protégé et stimulé par la solidarité scientifique. Mais, rappelez-vous, comment ses premières découvertes furent accueillies par le monde savant? Avec quelle hostilité haineuse, quel sarcasme, et de la part des critiques spécialisées, quel silence! Les travaux de Freud sur l'hystérie provoquèrent scandales et rires. La première édition de La science des rêves, en 1900, obtint en tout et pour tout une seule critique. Et quand d'anciens maîtres de Freud s'employèrent à soutenir sa candidature au titre de professeur, le ministre répondit d'abord qu'on riait trop de lui dans certains milieux. Quoi d'étonnant si l'inventeur de la nouvelle science prit le parti de s'adresser directement au public, pour ainsi dire, par-dessus la tête des savants. Devant l'hostilité systématique de la science officielle, la psychanalyse dut s'engager dans de nouvelles découvertes, sur des chemins dont, à l'origine, son créateur n'eut même pas rêvé. C'est ainsi que ses adversaires l'ont aidé, sans le vouloir, à éviter l'ésotérisme aristocratique qui, eût-il prévalu, eût d'avance limité sa portée. Condamné, raillé par ceux-là même qui auraient dû tenter de le comprendre, Freud s'habitua à compter davantage sur les profanes que sur les savants, et passa une bonne part de sa vie, je ne dirais pas à vulgariser, mais à populariser largement ses idées. Tout en répétant inlassablement qu'une connaissance abstraite, livresque des principes de sa théorie ne saurait en aucun cas remplacer l'expérience personnelle qui en fait toute la valeur, il n'a cessé dans ses nombreux écrits, qui ont souvent la forme d'exposés et de conférences, de mettre son œuvre à la portée du public, quitte à donner l'exemple d'un mouvement de vulgarisation dont, bien entendu, il n'ignorait pas les dangers. Le fait que des écrits comme l'introduction à la psychanalyse ou encore les trois essais sur la théorie de la sexualité soient publiés aujourd'hui dans des éditions populaires va sûrement dans le sens des efforts de Freud et, par surcroît, constitue le meilleur remède contre l'affadissement de sa pensée. Oui, en somme, vous opposez la bonne vulgarisation à la mauvaise. Et comment ne pas vous approuver? En principe, en effet, il n'y a pas de raison pour qu'une pensée si complexe et profonde qu'elle soit ne puisse s'exposer clairement, simplement, sans que la clarté de l'exposé nuise à la vérité de son contenu. Reste à savoir s'il n'en va pas de cela comme de la monnaie, dont on disait jadis que la mauvaise chassait la bonne. Quoi qu'il en soit, il me semble que la psychanalyse se serait épargnée bien des malentendus et des attaques malveillantes si, au lieu de philosopher, ce pourquoi elle a d'ailleurs des dons éclatants, elle s'était bornée au seul terrain où l'on ne puisse contester sa maîtrise, celui de la compréhension et de la thérapeutique des névroses. C'est là encore un vieil argument dont les critiques de toute obédience n'ont pas manqué d'user. Quand il fallut admettre les résultats de la psychanalyse en matière de psychopathologie, on décréta que la nouvelle science était une branche de la médecine mentale, rien de plus, et qu'elle outrepassait ses droits dès qu'elle sortait de sa sphère étroite pour expliquer l'homme normal et l'ensemble de son activité. Ce que faisant, naturellement, on oubliait que les plus durs combats de la psychanalyse naissante avaient eu lieu précisément sur ce terrain de la psychopathologie, où les premières découvertes de Freud sur l'hystérie firent d'abord l'effet de constructions fantastiques, délirantes, dépourvues de la moindre valeur scientifique. Freud, lui, ne l'avait pas oublié. Voici ce qu'il disait quelque 30 ans après ses débuts sur cet accueil des médecins. Les médecins avaient été élevés dans cette idée que seuls comptaient les facteurs anatomiques, physiques et chimiques. Ils n'étaient pas préparés à accorder une valeur aux phénomènes psychiques. Ils n'avaient donc à leur opposer qu'indifférence et aversion. Manifestement, ils doutaient que les choses de la psyché puissent permettre un traitement scientifique exact. En réaction contre une époque révolue pendant laquelle la médecine avait été dominée par les spéculations de ce qu'on appelle la philosophie de la nature, les abstractions avec lesquelles la psychologie est contrainte de travailler leur paraissaient nébuleuses, fantastiques, mystiques. Mais ils refusaient tout crédit aux phénomènes singuliers qui eussent pu fournir un point de départ à leur recherche. Les symptômes de la névrose hystérique passaient pour le résultat de la simulation. Les manifestations de l'hypnotisme pour de la fumisterie. Même les psychiatres, qui eussent pu observer les phénomènes les plus extraordinaires et les plus surprenants, répugnaient à se pencher sur leurs détails et à suivre la trace de leurs enchaînements. Ils se contentaient de classer les symptômes morbides et, là où cela se pouvait à la rigueur, de les ramener à des causes somatiques, anatomiques ou chimiques. Au cours de cette période matérialiste, ou pour mieux dire mécaniste, la médecine a accompli de magnifiques progrès, mais aussi elle est restée singulièrement myope pour le plus noble et le plus difficile des problèmes humains. Vous voyez que l'autorité médicale de la psychanalyse n'a pas été admise sans d'âpres luttes. Les médecins qui prenaient l'hystérie pour de la simulation et niaient la réalité de la suggestion n'hésitèrent pourtant pas ensuite à reprocher à Freud d'employer la suggestion pour soigner ses malades et de tirer de là le plus clair de ses résultats. Cependant, la médecine ne fut pas la seule à rejeter ce qui lui paraissait menacer ses certitudes les mieux ancrées. Pour d'autres raisons, et avec autant de passion, la philosophie en fit autant. Il est compréhensible qu'avec de telles conceptions, les médecins n'aient pu trouver la psychanalyse de leur goût. En revanche, on aurait pu croire que la nouvelle doctrine obtiendrait d'autant plus facilement l'agrément des philosophes. Ceux-ci, en effet, étaient habitués à introduire dans leurs explications du monde des concepts abstraits. Les mauvaises langues disaient des mots vagues. Il n'avait donc pas lieu de s'offusquer de l'extension que la psychanalyse s'apprêtait à donner au domaine de la psychologie. Mais là survint un autre obstacle. Le monde psychique des philosophes n'était pas celui de la psychanalyse. Dans leur écrasante majorité, les philosophes n'appelaient psychique que ce qui portait la marque de la conscience. Pour eux, la vie psychique coïncidait exactement avec le conscient. Ou plus exactement, l'âme ne pouvait avoir d'autre contenu que les phénomènes conscients, et par conséquent, la science de l'âme, la psychologie, ne pouvait avoir d'autre objet. Après avoir décrit cette situation qui, en 1925, date du texte auquel nous empruntons ici, était bien loin d'avoir perdu toute actualité, Freud examine ce qui, dans sa théorie de l'inconscient, motiva longtemps la méfiance, sinon l'hostilité de la philosophie. Ainsi, que peut dire le philosophe à une doctrine qui, comme la psychanalyse, affirme au contraire que l'âme est inconsciente en soi? Que la conscience est une qualité qui peut s'ajouter ou non aux actes psychiques isolés, sans que ceux-ci soient modifiés si elle leur manque éventuellement. Il dit, bien entendu, que la notion d'un psychisme inconscient est une monstruosité, une contradictio in adjecto, et se refuse à voir que ce jugement ne fait que répéter sa propre définition de l'âme, peut-être trop étroite. Le philosophe n'a pas de peine à être sûr de lui, car il ignore le matériel dont l'étude a obligé le psychanalyste à croire aux faits psychiques inconscients. Il ne s'est pas occupé de l'hypnose, n'a pas tenté d'interpréter les rêves. Comme le médecin, il tient du reste les rêves pour les produits absurdes de l'activité mentale dégradée par le sommeil. C'est tout juste s'il soupçonne qu'il existe des choses comme les obsessions et les idées délirantes. Et il serait dans un fâcheux embarras si on lui demandait d'expliquer ses faits à partir de ses propres postulats psychologiques. Le psychanalyste, lui aussi, refuse de dire ce qu'est l'inconscient. Mais il peut se référer au monde des phénomènes dont l'observation l'a forcé à en admettre l'existence. Le philosophe, qui ne connaît pas d'autre observation que celle qu'il pratique sur lui-même, ne peut pas le suivre sur ce terrain. C'est ainsi que, de sa position intermédiaire entre la médecine et la philosophie, la psychanalyse ne retire que des inconvénients. Le médecin la regarde comme un système spéculatif et n'admet pas que, comme toute autre science naturelle, elle repose sur l'observation patiente et laborieuse de faits appartenant au monde de nos perceptions. Le philosophe, qui la mesure à ses propres systèmes artistement construits, trouve qu'elle part d'hypothèses impossibles et reproche à ses concepts fondamentaux leur manque de clarté et de précision. Le conflit rappelé ici de façon si vivante n'a plus guère qu'une valeur historique. Était-il évitable? Que des idées aussi audacieuses et aussi impossibles à classer aient provoqué beaucoup de remous, cela se conçoit après tout. Toute nouveauté vraiment importante a des commencements difficiles. Mais Freud l'admettait bien volontiers. Il niait seulement que les attaques grossières et parfois haineuses dont il était l'objet n'eussent pas d'autre cause que l'intérêt scientifique. La psychanalyse, en effet, lui suggérait une toute autre espèce d'explication. La situation exposée plus haut suffisait bien à expliquer que les milieux scientifiques eussent accueilli la psychanalyse en hésitant, et de mauvais gré. Mais elle ne permet pas de comprendre comment la polémique put en venir à ces explosions de rage, de moquerie et de sarcasme, comment on put passer outre, dans les discussions, à toutes les règles de la logique et du bon goût. Une telle réaction laissait deviner qu'il ne pouvait pas y avoir là uniquement des résistances intellectuelles. Des forces affectives violentes avaient été réveillées. Et de fait, il ne manque pas de choses dans le contenu de la doctrine analytique à quoi l'on puisse imputer un pareil effet sur les passions, non point seulement des savants, mais des hommes. Il est vrai que si l'on se reporte à cette époque à peine révolue, on conçoit mal qu'avec un contenu souvent fort indigent, les controverses soulevées par la psychanalyse aient pu prendre une tournure si excessive et si hargneuse. Personnellement, je ne me chargerai pas de défendre ces détracteurs qui, aujourd'hui, font dans l'ensemble assez sotte figure. Mais Freud le reconnaît honnêtement. La position intermédiaire de sa doctrine entre la médecine et la philosophie était une cause réelle de difficulté. En un sens, c'était une position fausse, qui peut encore être un sujet de trouble, même pour des gens moins aveuglés. Je ne raisonne ici ni en savant ni en philosophe, mais comme quelqu'un qui, malgré tout, aime à classer ses idées. Où classerais-je donc cette science, qui, comme tout autre, a une théorie, une pratique et de multiples applications sans aucun doute, mais dont je dois constater que ce qu'elle appelle « fait », « observation », expérience s'écarte sensiblement des définitions classiquement admises, et que, le plus souvent, il n'est guère possible de vérifier ses résultats. Freud demande qu'on la range parmi les sciences naturelles, mais ses moyens d'investigation, l'énorme distance qu'elle met entre les faits observés et ses conclusions la rendent difficilement compréhensible à l'intérieur de cette discipline. D'un autre côté, Freud s'est toujours défendu de spéculer, mais sa théorie est une explication totale de l'homme. En tant que telle, elle s'est toujours appliquée à quantité de domaines où seule la spéculation pouvait lui donner accès. J'ajouterai qu'à mon sens, la part énorme qu'elle fait à l'imagination Ses affinités avec le monde des rêves et des symboles lui donnent plus de ressemblance avec l'art qu'avec n'importe quelle autre forme de pensée. Qu'est-elle donc en définitive? Et sous quels aspects vous proposez-vous de la montrer? Vous décrivez fort bien une situation incommode dont les psychanalystes ont toujours eu conscience. Ils faisaient seulement remarquer qu'il était injuste de la leur imputer, car ils observent et expliquent, mais n'inventent pas les faits psychiques. Or, ces faits sont leur objet d'étude, et c'est là un étrange objet, à la fois concret et abstrait, familier à tous et difficilement observable, parfois irrationnel jusqu'à l'absurde, toujours contradictoire. Croyez-moi, Freud aurait bien aimé bénéficier de la sérénité que donne aux savants l'ancienneté et la dignité d'une science séculairement établie, même s'il est appelé à la révolutionner. Lui n'avait pas de modèle, pas de maîtres immédiats, et pendant longtemps, il n'eut pas non plus d'élèves. Il écrivit un jour à Einstein qu'il le trouvait bien heureux d'être physicien, au lieu de faire de la psychologie, matière où le premier venu se croit autorisé à parler. Mais c'est cela que vous devriez montrer, cette position exceptionnelle, cette lutte à l'intérieur du monde de la pensée et de la science, dans une époque intellectuellement, et ne l'oublions pas, politiquement fort troublée. Je vois là vraiment un sujet de drame. C'est en effet ce qui constituera la première partie de notre travail. La nature de la psychanalyse, les particularités et d'autre part l'universalité de son objet ne nous permettent pas d'en présenter d'abord un tableau théorique à la fois complet et intelligible. Aussi tâcherons-nous de la faire comprendre autrement, en faisant revivre l'histoire de son créateur pour suivre, à travers les événements d'une vie personnelle entièrement vouée à la recherche, la genèse dramatique et l'étonnant destin de son œuvre. Freud, voyez-vous, se comparait volontiers lui-même à l'un de ces conquistadors du passé qui risquaient tout pour conquérir des terres nouvelles. Ou encore à ces archéologues pleins de foi qui, tel le célèbre Schliemann, triomphaient des incrédules en mettant à jour la Troie de leurs rêves. Sa Troie, à lui, c'était l'enfance de l'homme, le passé de l'humanité, ce monde de l'inconscient qu'il était le premier à explorer et qu'il voulut regagner à la lumière avec ses rêves, ses abîmes, ses terreurs et aussi sa vérité. La psychanalyse, il me semble, n'a pas de meilleure introduction que le récit de cette exploration aventureuse passée presque entièrement entre les murs d'un cabinet et dont les grands moments, comme le disait un poète allemand, Kurt Tucholsky, furent autant de jours qui ébranlèrent le monde. Il va sans dire qu'un pareil récit est assez captivant en soi pour se passer de fioritures. Le nôtre disposera du reste de nombreuses sources, de travaux biographiques faisant autorité, de documents autobiographiques publiés comme tels par Freud, par exemple « Ma vie et la psychanalyse » et « L'histoire du mouvement psychanalytique », ou encore de textes disséminés dans des ouvrages théoriques comme « La psychopathologie de la vie quotidienne » ou « La science des rêves ». Enfin, une correspondance étendue sur plus d'un demi-siècle, où le visage de Freud se dessine avec des traits parfois contradictoires, avec sa passion, son terrible amour de la vérité, sa bonté, et malgré sa foi tenace dans la vie, sa tristesse. Mais notre source la plus riche sera bien entendu l'œuvre elle-même, une œuvre qui n'est pas seulement d'homme de science, mais au sens plein du mot, de créateur. Nous en citerons d'autant plus volontiers de nombreux passages que, par une circonstance assez rare en matière d'écrit scientifique, elle a une pureté, une justesse de forme qui lui donne accès à la littérature. Ainsi compté à travers la création infatigable d'un homme qui, outre sa science, aimait aussi passionnément écrire, l'aventure intellectuelle qui a eu tant de retentissements sur la nôtre devrait retrouver peu à peu pour nous son rythme et son sens vivant. Et je comprends mieux maintenant votre intention. L'idée de présenter Freud comme un écrivain dont l'œuvre, quoique scientifique, aurait la même portée générale, la même sorte de pouvoir et de vérité qu'une œuvre strictement littéraire, cette idée est en elle-même fort séduisante. J'avoue que pour ma part, j'ai souvent lu certains livres de Freud comme des romans, sans être sûr du reste que cette lecture fût la bonne. Ceci admis, s'il est vrai que la littérature freudienne fait partie de la littérature tout court, Ce n'est pourtant pas là son principal titre, car elle est avant tout un véhicule d'idées, quelque chose qui a donné naissance à un mouvement international, a entraîné la fondation de groupes, d'écoles, de dissidences, et surtout d'un enseignement. On aimerait bien savoir comment tout cela s'est fait, grâce à quel travail, quel dévouement, quelles alliances, quelles ruptures, et aussi comment une doctrine si personnelle, si fortement marquée au début par son origine locale, est parvenue, somme toute, à conquérir le monde. Nous y viendrons, mais seulement dans la deuxième partie de notre exposé. Après avoir découvert la psychanalyse à travers une vie et une œuvre qui ne se peuvent dissocier l'une de l'autre, nous retracerons l'histoire du mouvement psychanalytique, ses débuts héroïques, ses flux et ses reflux, sa montée. Chemin faisant, nous rencontrerons ces hommes si différents les uns des autres par leur formation et leurs origines, qui, médecins ou non, se groupèrent autour de Freud et, peu à peu, mirent fin à son isolement. Parmi ses disciples, dont certains sont à leur tour devenus des maîtres, quelques-uns ne purent trouver leur route qu'en modifiant ou en reniant tout à fait leurs premières convictions. D'autres restèrent fidèles, ou comme on dit maintenant, orthodoxes. D'autres encore conservèrent l'essentiel de la doctrine, mais l'enrichirent de nouvelles hypothèses et étendirent le champ de ses applications. Tous, fidèles ou rebelles, ont contribué en quelque manière à faire de la psychanalyse ce qu'elle est aujourd'hui. Ainsi, nous ferons une place à Jung et à Adler, qui fondèrent chacun leur école et menèrent longtemps l'opposition contre leur ancien maître. À Otto Rank, dont la pensée se sépara aussi du strict freudisme et dont les travaux sur les mythes et les légendes sont restés justement célèbres. À Ernest Jones, le biographe de Freud auquel nous ferons de nombreux emprunts. À Karl Abraham, Sandor Ferenczi, d'autres encore qui furent des organisateurs et eurent le mérite de conserver au mouvement son caractère international malgré deux guerres et combien de bouleversements politiques. Nous suivrons aussi les déplacements géographiques des écoles, sans oublier que la petite histoire de la psychanalyse, qui eut dû n'être qu'un débat d'idées, a été souvent mortellement menacée par l'histoire tout court. Bien, mais je suppose qu'après cet aperçu historique, vous en viendrez tout de même à la théorie. Certainement, mais voyez-vous, il nous a paru utile de rappeler l'histoire de la psychanalyse avant d'envisager ses développements théoriques. Car l'histoire nous montre sans cesse à l'œuvre ce qui a fait, ce qui fait toujours obstacle à l'intelligence des idées. Dans un texte de 1917, intitulé « Une difficulté de la psychanalyse », Freud disait que l'humanité, dans la phase moderne de son histoire, s'est vue infliger trois graves blessures. La première, cosmologique, était le fait de Copernic, qui osa dire que la Terre était plus petite que le Soleil et tournait autour de lui. La deuxième, biologique, était causée par Darwin, dont la doctrine semblait porter un coup définitif à l'orgueil humain, et nous savons qu'il n'en fut rien. La troisième, d'ordre psychologique, était la psychanalyse, qui affirme que malgré toutes les apparences et les croyances, l'homme n'est jamais le souverain de son âme, jamais le maître de ses actes. Sans doute, ces trois blessures nous paraissent aujourd'hui bien près d'être guéries. Nous avons reçu d'autres coups et nous nous croyons moins fragiles. Mais est-ce si sûr? Est-il sûr que la notion de l'inconscient, pour ne citer que la principale, est une réalité vivante pour ceux-là même qui, intellectuellement, n'ont plus rien à y objecter? Il nous fallait poser la question avant d'entrer dans le détail d'une théorie qui n'est pas seulement un ensemble de concepts abstraits, mais garde pour chacun quelque chose comme une pointe douloureuse. Le rappel des luttes idéologiques du passé, qui furent parfois émouvantes et le plus souvent incompréhensiblement bornées, devrait nous permettre d'aborder plus franchement les grands concepts psychanalytiques, dont tout le monde aujourd'hui connaît au moins confusément le contenu. En nous souvenant du tumulte qui, au dehors, semble s'être apaisé, mais continue à agiter chacun au-dedans, nous serons mieux préparés à comprendre la théorie de l'inconscient, celle des rêves, de la sexualité infantile, de la libido, des névroses, du refoulement. théories dont nous poserons seulement les fondements en tâchant de leur laisser leur clarté propre et, bien entendu, sans la moindre prétention à épuiser le sujet. Ainsi, vous réservez pour la fin le chapitre des applications pratiques, qui est aussi, ce me semble, le plus facile. Je ne sais pas s'il n'y a pas là aussi quelques épines. De toute façon, nous tenterons de nous faciliter la tâche en faisant appel, cette fois, aux spécialistes directement intéressés. Au lieu de traiter une fois de plus des applications de la psychanalyse aux domaines ayant affaire en quelque manière avec la psychologie, nous demanderons aux pédagogues, aux sociologues, aux médecins, aux juristes, aux philosophes, voire aux critiques littéraires, ce qu'ils pensent de cette question importante, s'ils se servent de la psychanalyse dans sa sphère propre de travail, et comment, avec quels aménagements, et éventuellement quelles réserves. Cette dernière partie de nos émissions aura évidemment pour limite la patience de nos auditeurs. Elle devrait nous permettre de juger si le disciple de Freud avait raison, qui donnait à la psychanalyse non point l'homme pour patient, mais tout bonnement l'humanité. RTF France 3 National vous a présenté La liberté coupable. Deuxième série, La révolution psychanalytique. Une suite d'émissions composée par Marthe Robert et réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, avec Michel Bouquet, Pierre Leproux et l'auteur, introduction. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 1er décembre 1962. Tout de suite, le deuxième volet de cette série, diffusé pour la première fois la semaine suivante, le 8 décembre. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable. Deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, avec Michel Bouquet, Jacques Bretonnière, Pierre Leproux, Jean-Pierre Lituac et Maurice Nazil, origine et enfance de Freud. Un jour de 1885, Freud, alors âgé de 29 ans, décide de détruire tous ses papiers intimes, journaux, lettres, manuscrits scientifiques, et se félicite d'avoir ainsi joué un bon tour à ses futurs biographes, gens pourtant bien peu dangereux à l'époque puisqu'il n'avait encore qu'une existence chimérique. Rêvant de gloire et s'en méfiant, le jeune savant brode sur ce thème dans une lettre à sa fiancée. J'ai détruit tout ce que j'ai noté depuis 14 ans, mes lettres, notes scientifiques et manuscrits de mes travaux. Tous mes sentiments et idées sur le monde en général et en particulier, pour autant qu'ils me concernaient moi-même, ont été jugés indignes de subsister. Il faut recommencer à les penser. Et j'avais écrit beaucoup de choses. Maintenant, tout ce papier se répand autour de moi comme les flots de sable autour du sphinx. Mais je ne peux pas mûrir ni mourir sans me préoccuper de qui viendra fouiller dans ces vieilles paperasses. Quant à mes biographes, qu'ils se torturent donc. Nous ne leur ferons pas la tâche facile. Chacun pourra avoir son idée sur l'évolution du héros. Tous auront raison. Je me réjouis déjà de leurs erreurs. Cette lettre était prophétique. Freud a bien eu les biographes qui appelaient sa gloire, et il ne leur a pas fait la tâche facile. Lui qui a mis au point une méthode infaillible pour deviner l'énigme de toute vie individuelle, et par conséquent aussi de la sienne, n'a cessé de protéger son existence personnelle contre la curiosité légitime de ses successeurs et la malignité de ses innombrables adversaires. Sans doute, il s'est pris lui-même comme objet d'investigation et a livré partiellement au public les résultats de son auto-analyse, mais en se réservant le droit d'interrompre ses interprétations quand elles touchaient de trop près à sa vie intime. Ainsi, il a fourni sur lui-même un matériel unique en son genre, mais incomplet, cela pour protéger l'intimité à laquelle il pensait avoir droit, malgré l'indiscrétion fatalement liée à sa propre méthode, et aussi, comme il l'a dit clairement, parce qu'il ne croyait pas à la vérité des biographies. Qui veut devenir biographe s'engage au mensonge, à la dissimulation, à l'hypocrisie, et même à la dissimulation de son incompréhension. Car la vérité biographique n'est pas accessible, et le fut-elle qu'on ne pourrait pas s'en servir. Voilà qui devrait décourager les psychanalystes amateurs pressés de déchiffrer Freud par le moyen qu'il leur a fourni lui-même. Aucune psychanalyse faite après coup, à supposer qu'elle soit techniquement possible, ne comblera les lacunes que le principal intéressé a laissées volontairement dans l'histoire profonde de sa vie. De toute façon, elle ne répondrait pas à la question la plus troublante que pose l'apparition soudaine d'une vérité vraiment importante. Pourquoi a-t-il fallu attendre tant de siècles une découverte qui ne demandait en somme qu'à voir le jour et que n'importe qui aurait pu faire? Pourquoi Freud fut-il appelé à dire tout haut ce que l'homme savait sans le reconnaître et à quoi l'art, la philosophie, la littérature font depuis toujours allusion? Qu'est-ce qui le destinait à ce rôle exceptionnel? Grâce à quel concours de circonstances historiques, sociales, familiales, psychologiques, lui fut-il donné de le jouer et de changer ainsi la face de son époque? À ces questions saisissantes, la vie de Freud n'apportera pas plus qu'une autre de réponse satisfaisante. Du moins montrera-t-elle exemplairement comment une idée, une intuition, semblable en somme à des millions d'autres qui ont traversé l'esprit humain, est devenue une force décisive du seul fait qu'elle a été prise passionnément au sérieux et a eu le courage de durer. Freud a toujours senti qu'il y avait un lien entre ses origines et les dispositions particulières de son esprit, qui, en d'autres temps, lui eussent sûrement valu les persécutions plus graves que les critiques et les railleries. Il le révèle par la façon même dont, dans « Ma vie et la psychanalyse », il commence son autobiographie. « Je suis né le 6 mai 1856, à Freiberg, en Moravie, une petite ville de la Tchécoslovaquie actuelle. Mes parents étaient juifs. Moi-même suis demeuré juif. De ma famille paternelle, je crois savoir qu'elle séjourna longtemps dans les pays rhénans, à Cologne, qu'à l'occasion d'une persécution contre les juifs, au XIVe ou au XVe siècle, elle s'enfuit vers l'Est, et que, dans le courant du XXe siècle, elle revint de Lituanie par la Galicie vers un pays de langue allemande, l'Autriche. En ouvrant le récit de son évolution scientifique par un rappel de son origine juive, Freud entendait marquer ce qui lui devait, aussi bien l'hostilité tenace des milieux viennois, antisémites par tradition, que la force de braver l'opinion publique et d'accepter, comme l'avaient fait ses ancêtres, une sorte d'exil intellectuel. Élevé par un père, croyant sans doute mais libéral, lui-même radicalement athée, Freud affirma toujours son appartenance au judaïsme. Un judaïsme désacralisé, mais profond, dont il se sentait directement l'héritier. Il en parle souvent dans les lettres à sa fiancée. On ne le croirait guère à me voir. Mais à l'école, déjà, j'étais un oppositionnel hardi. Je me trouvais toujours là où il y avait une position extrême à défendre. Et en général, j'étais prêt à payer pour cela. Ensuite, quand j'eus gagné la place de premier, que je conservai pendant des années, et pus jouir de la confiance de tous, personne n'eut plus jamais à se plaindre de moi. Sais-tu ce que Bruère m'a dit un jour ? J'en ai été si ému qu'à la suite de cela, je lui ai confié le secret de nos fiançailles. Il m'a dit qu'il avait découvert en moi un homme intrépide, incroyablement audacieux sous mon enveloppe de timidité. Je l'ai toujours cru, sans jamais oser le dire à qui que ce soit. J'ai souvent eu l'impression d'avoir hérité toute l'audace et toute la passion de nos ancêtres quand ils défendaient leur temple, d'être capable de jeter toute ma vie avec joie pour un seul grand moment. Une autre fois, il explique encore à Marthe Bernet, sa future femme, que le judaïsme est la base solide sur quoi il entend édifier leur vie. Et pour nous deux, voici ce que je crois. Si la forme de vie dans laquelle les anciens juifs se sentaient à l'aise ne nous offre plus de refuge, quelque chose du noyau, l'essence du judaïsme pétrie de sens et de joie de vivre, ne quittera pas notre maison. Freud était bien conscient de la singularité de ses liens avec le judaïsme. Il s'en explique avec sa clarté habituelle dans une lettre de 1926 à l'adresse de l'association juive libérale B'nai B'rit, dont il fut membre toute sa vie et pendant de longues années un membre actif. Le fait que vous êtes juif ne pouvait que m'être agréable, car j'étais juif moi-même, et le renier m'a toujours paru non seulement indigne, mais littéralement absurde. Ce qui m'attachait au judaïsme, je me dois de le confesser, n'était pas la foi, ce n'était pas non plus la fierté nationale, car j'ai toujours été un incroyant, ayant été élevé sans religion, quoique non sans respect pour les exigences dites éthiques de la culture humaine. Quand j'inclinais à l'exaltation nationale, je m'efforçais toujours de la réprimer comme quelque chose de catastrophique et d'injuste, effrayé que j'étais par l'exemple des peuples parmi lesquels nous vivons, nous autres juifs. Mais il restait assez de choses propres à rendre l'attraction du judaïsme et des juifs irrésistible, beaucoup de forces affectives obscures, d'autant plus puissantes qu'elles se laissaient moins saisir dans les mots. Et puis aussi la claire conscience d'une identité intérieure, le sentiment intime d'une même construction psychique. À cela s'ajouta bientôt la découverte que je devais uniquement à ma nature juive les deux qualités dont j'eus le plus besoin sur mon chemin difficile. Étant juif, je me trouvais exempt de nombreux préjugés qui limitaient les autres dans l'usage de leurs facultés intellectuelles. Comme juif, j'étais aussi préparé à rejoindre l'opposition et à renoncer à toute entente avec la majorité compacte. Avec un sentiment aussi profondément ancré, on imagine combien Freud dut souffrir de l'antisémitisme viennois, qui, avant d'être relayé par le nazisme, sévissait plus ou moins ouvertement et l'exposa toute sa vie, sinon à de véritables persécutions, du moins à d'humiliantes brimades ou d'hypocrites attaques. Le souvenir d'une de ces humiliations déjà subies par son père prend son sens douloureux dans un passage de la science des rêves. J'arrive enfin à l'événement de ma jeunesse qui agit aujourd'hui encore sur tous ses sentiments et tous ses rêves. Je devais avoir 10 ou 12 ans quand mon père commença à m'emmener dans ses promenades et à avoir avec moi des conversations sur ses opinions et les choses en général. Un jour, pour me montrer combien mon temps était meilleur que le sien, il me raconta le fait suivant. Une fois, quand j'étais jeune, dans le pays où tu es né, je suis sorti dans la rue un samedi, bien habillé et avec un bonnet de fourrure tout neuf. Un chrétien survint. D'un coup, il envoya mon bonnet dans la boue en criant « Juif, descends du trottoir !» Et qu'est-ce que tu as fait ? « J'ai ramassé mon bonnet, » dit mon père avec résignation. À cette scène inoubliable, fait pendant, bien des années plus tard, un autre incident d'où Freud sortit avec un sentiment de triomphe et qui, en un sens, répara l'ancien affront. Étant en chemin de fer, il avait ouvert la fenêtre de son compartiment qui, selon lui, manquait d'air. Quelqu'un proteste et exige qu'il ferme la fenêtre. Freud refuse, à moins qu'on en ouvre une autre. C'est le début d'un incident fort pénible qu'il relate tout au long dans une lettre. Tandis que nous parlementions et qu'il acceptait d'ouvrir la bouche d'aération à la place de la fenêtre, quelqu'un s'écria du fond du compartiment « C'est un sale juif !» Et du coup, toute l'affaire prit une nouvelle tournure. Mon premier ennemi, devenu lui aussi antisémite, déclara « Nous autres chrétiens, nous avons le sens du bien général. Soumettez donc votre cher petit moi à la règle, etc. » Mon deuxième ennemi me fit savoir, avec des injures conformes à son niveau de culture, qu'il allait monter sur les bancs pour me faire voir, etc. Il y a un an, j'aurais été si bouleversé que je n'aurais pu proférer un mot. Mais j'ai changé. Je n'ai pas eu peur de cette racaille. J'ai prié l'un de garder pour lui ses considérations générales, vu qu'elles ne m'inspiraient aucun respect, et l'autre de prendre la peine de se déplacer pour recevoir une réponse méritée. J'étais tout à fait décidé à l'assommer, mais il n'est pas venu. Je me félicite de n'avoir pas usé d'injures. Il faut toujours laisser cela à ces messieurs. En face d'un état de choses contre lequel il n'y avait pas de lutte possible, mais seulement des ripostes elles-mêmes dégradantes, le jeune Freud développa précocement l'ambition, la soif ardente de gloire qui est certainement l'un des traits frappants de son caractère. Devenir célèbre, accomplir des prouesses dans l'ordre de l'action ou de la pensée, on peut croire qu'il voyait là l'un des moyens les plus puissants de forcer le monde à le reconnaître et à lui faire une vraie place. Pendant longtemps, la volonté de désarmer la malveillance infamante des autres par une espèce d'héroïsme l'emporta sûrement sur l'objet même de l'ambition. Ernst Jones nous dit dans sa biographie que le jeune Freud, qui admirait passionnément Bonaparte et Masséna, fut un moment attiré par l'état militaire. Il est probable que l'attrait de la carrière elle-même comptait moins ici que celui de deux grandes figures prestigieuses, toutes deux de héros et de parvenus. Selon une légende dénuée de tout fondement, Masséna passait pour être d'origine juive. Quant à Napoléon, libérateur des juifs et modèle des parvenus, les petits juifs de l'Europe centrale n'avaient pas besoin d'être belliqueux pour en faire leur idole. Freud, qui, comme toutes les natures fortes, avait une faculté inépuisable d'admiration, englobait dans la même vénération tous les hommes libres, audacieux et solitaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont rompu en visière avec les préjugés de leur temps. À côté de Bonaparte, de Masséna, d'Hannibal, le héros sémite, et de bien d'autres qui, plus tard, furent ses maîtres directs, il garda par exemple pour Cromwell, lui aussi libérateur des Juifs et héros révolutionnaire, une admiration si profonde qu'il appela l'un de ses fils Olivier en son honneur. L'antisémitisme ambiant, à quoi il faut joindre une pauvreté qui prit parfois des proportions menaçantes, joua donc un rôle considérable dans la formation du caractère de Freud et la façon dont il affronta sa propre société. Encore que cette situation, si commune à l'époque dans ce coin de l'Europe, ait influencé fâcheusement le destin de la science freudienne, nous verrons par la suite comment, on ne saurait, cela va de soi, y chercher l'explication de l'événement spirituel à quoi la psychanalyse doit avoir été inventée. Si tant est qu'une pareille explication existe, on doit pouvoir plutôt la trouver dans la configuration familiale de Freud, dans ses relations avec son premier entourage, les expériences affectives de son enfance, toutes choses qui, selon lui, façonnent à jamais l'individu, lui donnent ses dons, ses faiblesses et ses aspirations, préparent de façon irréversible ses succès et ses échecs. L'homme qui, pour la première fois, a démêlé les lois et les drames secrets de la famille humaine, n'a pu tirer son expérience que de lui-même, de son enfance et de sa situation dans sa propre famille. On peut supposer que la famille Freud, la première, qui ait été comprise, analysée et démasquée, n'a pu jouer ce rôle exemplaire que parce qu'elle y était en quelque manière disposée. En effet, Freud est né et a grandi dans un milieu familial remarquable par la complexité inhabituelle des relations de parenté. Jacob Freud, son père, s'était marié deux fois. La première à l'âge de 17 ans. Il avait deux fils de ce premier mariage, Emmanuel et Philippe. Et quand il fut devenu veuf, il se remaria avec une jeune femme de 20 ans, Amalia Nathanson, la mère de Freud, qui se trouvait ainsi être de la même génération que ses beaux-fils. Quand Emmanuel, le demi-frère aîné, se maria à son tour et eut des enfants, les deux familles vécurent côte à côte dans une intimité d'autant plus grande que leur maison était voisine. On imagine quelles complications psychologiques pouvaient résulter de cette situation paradoxale. Le compagnon de jeu de Freud, le premier ami auquel il fut passionnément attaché, était le fils de son demi-frère Emmanuel. Son neveu, par conséquent. Et ce neveu avait un an de plus que lui. Sa mère et son demi-frère Philippe étaient exactement du même âge. L'enfant était sûrement tenté de les apparier de sorte que Jacob, le père, jouait le rôle de grand-père qui aurait pu logiquement être le sien vu son âge. Psychanalytiquement parlant, la réunion de trois générations dans un même milieu familial devait, pour le petit garçon, comporter plus d'une énigme. Ernst Jones, dans sa biographie, en expose les conséquences les plus frappantes. On comprend qu'il est, enfant, mis sur un plan égal, Jacob, son père, et Nanny, sa vieille nourrice. Puis venaient Emmanuel et sa femme. Enfin, Philippe et Amalia, d'âge égal. Tout cela semblait juste et logique, mais un fait restait embarrassant. Pourquoi était-ce Jacob et non Philippe qui couchaient dans le lit d'Amalia? Tout cela était très troublant. Ce que nous avons qualifié d'appariement logique avait un motif psychologique plus profond encore. En attribuant à son père un rôle plus effacé dans la maison, il lui daignait le rôle de rival auprès de sa mère et celui de créateur d'enfants indésirables. Nous avons tout lieu de croire que, bien que le père représentât l'autorité et la frustration, Freud lui témoigna toujours consciemment affection, admiration et respect. Tous les éléments hostiles se trouvaient reportés sur les personnages de Philippe et de John, son neveu. C'est pour cette raison que Freud ressentit un grand choc en découvrant, 40 ans plus tard, son propre complexe d'Édipe et fut contraint de s'avouer que son attitude inconsciente à l'égard de son père différait beaucoup de son attitude consciente. Malheureusement, cette découverte ne fut faite qu'un an ou deux après la mort de ce père. En relatant le mieux possible la genèse des découvertes originales de Freud, nous pouvons à bon droit considérer que la plus grande d'entre elles, l'universalité du complexe édipien, lui avait été rendue plus aisée par sa propre et peu habituelle configuration familiale, par la stimulation que celle-ci provoqua et les occasions de refoulement total qu'elle offrait. Freud était donc l'aîné d'une famille qui comptait en tout 8 enfants. Ce qui, dans un foyer qui perdit très vite sa première prospérité et connut souvent la gêne, dut fortifier chez l'enfant, puis chez le jeune homme, le sens des responsabilités et la tendance à une attitude paternelle. Manès Sperber a vu dans ce qu'il propose d'appeler le complexe de Joseph une clé importante de la personnalité de Freud. De fait, celui-ci s'est souvent identifié avec le Joseph de la Bible, comme lui, fils de Jacob, comme lui aussi, interprète des songes. Le prénom de Joseph a joué du reste un rôle singulier dans sa vie. Freud lui-même fait remarquer qu'il revient souvent dans ses rêves. Le seul de ses oncles qu'il mentionne s'appelait Joseph. Joseph Panette fut pendant un temps l'un de ses proches amis. Joseph Breuer, qui l'engagea sur la voie de la psychanalyse, resta longtemps pour lui un homme de premier plan. Enfin, c'est encore un Joseph, Popper-Linkeus, qui faillit le devancer dans l'énonciation de sa théorie. Dans une lettre à Thomas Mann, Freud constate la même fatalité du nom de Joseph chez un autre grand personnage, Napoléon, lui aussi fortement identifié avec le Joseph biblique. Selon lui, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais à cause de ce lien inconscient qu'il avait entrepris sa fantastique expédition d'Égypte. Malgré les complications de ses relations familiales, Freud semble avoir eu une enfance heureuse, du moins tant que ses parents vécurent à Freiberg, car à Vienne, les épreuves et les difficultés commencèrent. Ardemment aimé par une mère jeune, vive et jolie, Freud se sentait l'objet de l'orgueil et de la prédilection maternelle. Il en tira un sentiment de confiance en lui-même qui, malgré les vicissitudes de sa carrière, fut en effet difficilement ébranlé. Plus tard, il assura que « Quand on a été sans conteste l'enfant préféré de sa mère, on garde pour la vie ce sentiment triomphant. cette confiance dans le succès qui, en réalité, reste rarement sans l'amener. De son père, Freud a dit qu'il lui ressemblait et qu'il avait hérité en partie sa tournure d'esprit. C'était un homme aimable, libéral, mais non dépourvu d'autorité, quoique, semble-t-il, assez fantasque dans ses projets. Freud l'a décrit comme le monsieur Micawber de Dickens, toujours confiant dans une issue providentielle à ses difficultés financières. Négociant en laine, il avait fait de mauvaises affaires à Freiberg et avait dû s'installer à Vienne. Mais soit manque de moyens, soit malchance, soit légèreté, il semble qu'il n'ait jamais pu restaurer la situation et que sa nombreuse famille ait vécu dans un état chronique de pauvreté. Personne ne lui en a tenu rigueur. Freud a aidé les siens en toutes circonstances, autant que le lui permettait la précarité de ses moyens, mais la pauvreté qui avait assombri son enfance et sa jeunesse était restée la plaie de sa vie. Les parents de Freud ne paraissent guère en personne dans les souvenirs d'enfance dont il a publié l'analyse. Cela se conçoit. Quand il entreprit d'analyser ses propres rêves pour élucider certains points obscurs de sa théorie, son père venait de mourir et il était sous le coup d'un violent ébranlement affectif dont, à cette époque, il ignorait naturellement la vraie origine. L'analyse de ses rêves lui fit voir son enfance et ses relations avec ses parents sous un jour absolument inattendu. Et cette révélation lui causa un choc auquel, on l'oublie trop quand on lui reproche aujourd'hui certaines réticences, rien ne l'avait mieux préparé que n'importe quel autre homme. À l'âge de 42 ans, marié et père de famille, avec déjà une longue carrière derrière lui, il est conduit par des raisons scientifiques et aussi sans doute par le besoin de se connaître lui-même en un moment de crise, à revivre son passé jusque dans sa toute première enfance. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il va le trouver. C'est le grand drame, le grand scandale de l'humanité auquel, en souvenir de la tragédie antique, il a donné le nom de complexe d'Édipe. D'autres, on peut le croire, étaient arrivés avant lui à cette frontière interdite, mais terrifiés, ils avaient rebroussé chemin. Tandis que lui, seul, sans aide ni confirmation extérieure, surmonte l'horreur de sa découverte au prix d'une lutte intérieure sur laquelle il a fait le silence et décide de continuer. L'enfant qu'il découvre alors au fond de lui, avec ses sentiments hostiles à l'égard de son père, sa tendresse incestueuse pour sa mère, ses désirs de mort, sa sauvagerie, rien n'autorise à croire qu'il en accepte sans peine la vérité scandaleuse. Au contraire, ses habitudes de pensée, son caractère, sa morale puritaine, tout devait le porter à repousser sa propre trouvaille et à ne pas croire à l'évidence. De fait, sa répugnance à divulguer le secret du monde obscur où il vient de pénétrer est telle que dans les lettres au seul ami à qui il confie les résultats de son analyse, il relate les souvenirs touchant sa mère en latin. Ailleurs, il explique sa réticence par deux vers du Faust de Goethe qu'il citera toujours avec prédilection. « Le meilleur de ce que tu peux savoir, tu n'iras pas le dire à ces polissons. » Ainsi, dans La science des rêves, l'ouvrage où nous puisons les principaux renseignements sur son enfance, Freud a volontairement effacé la personne de ses parents. En revanche, on voit se dessiner ça et là les figures importantes de son lointain passé qui, ressurgit dans ses rêves, apportaient à son interprétation un irremplaçable matériel. Son neveu John, le premier compagnon de ses jeux belliqueux et érotiques, en qui il reconnut le modèle sur quoi se calquèrent toutes ses amitiés, sa nièce Pauline, dont il était aussi amoureux, Nanny, la vieille nounou extrêmement laide et de surcroît voleuse, qui le terrifiait en lui peignant les tourments de l'enfer, et que son propre frère fit arrêter par la police, l'oncle Joseph, qui avait eu des démêlés avec la justice, ce qui fit blanchir prématurément le père de Sigmund. Tous ces personnages font revivre pour nous les amours, les chagrins, les jeux et les drames de son enfance. Une enfance banale, somme toute, dont les principaux événements pouvaient passer inaperçus aux yeux des adultes. C'était la jalousie causée par la naissance d'un frère ou d'une sœur, un méfait puni par son père, Une scène violente à l'égard d'une petite fille où son neveu avait été son complice, sa rivalité avec son demi-frère Philippe. Une enfance heureuse aussi, baignée dans une chaude intimité familiale, en contact avec la nature, et aussi libre qu'on pouvait la concevoir à cette époque. Du moins pendant les trois premières années. Mais Freud a enseigné que ce sont celles-là les plus décisives, et que quoi qu'il arrive par la suite, elles laissent une marque indélébile sur toute la vie. Le départ de la famille Freud pour Leipzig, puis son installation définitive à Vienne, apportèrent un changement pénible dans la vie du petit Sigmund, qui n'échangea pas sans regret la liberté et la gaieté de la vie à la campagne contre l'âpreté de la capitale. Freud se souvenait de ce voyage à Leipzig comme d'un événement terrifiant. À la gare de Breslau, il vit pour la première fois les flammes du gaz, qui le firent penser aux âmes brûlant en enfer. L'angoisse du départ qu'il arrachait à sa ville natale, la peur de l'inconnu, la crainte aussi de ne plus retrouver sa mère dans des lieux nouveaux et hostiles, tout cela détermina une grave phobie des voyages en train, dont seule l'analyse parvint à le débarrasser. Sans parler d'un autre sentiment dont il ne put jamais se guérir, un mélange d'amour et de profonde aversion pour la ville où il allait passer le reste de sa vie, Vienne. La Vienne de Freud ne ressemblait guère à l'image populaire qu'on s'en faisait en France et ailleurs, à l'époque des valses et du Pot Danube bleu. C'était une ville dure, cloisonnée en castes étanches, fière de leur mode de vie, intraitable quant à leurs préjugés. La bourgeoisie n'acceptait du dehors ni homme ni idée. Et assurément, si Vienne est devenue cet étonnant creuset où tant de révolutions se sont préparées, les élites officielles n'y ont contribué que de façon négative, en fortifiant le non-conformisme esthétique et intellectuel, exaspéré par leur mesquinerie. Pour ce qui est de Freud, Vienne profita indûment de sa gloire, car pendant les 78 ans qu'il y a passé, elle ne lui a donné que tracasserie et rebuffade. Puis, quand il ne fut plus possible de le tourner en dérision, une indifférence pleine de mépris. Freud, on le sait, n'a jamais reçu la moindre consécration officielle. Il n'a jamais eu de chaire à l'université, et l'ostracisme décrété contre lui par les milieux scientifiques viennois n'est sûrement pas étranger au fait remarquable que, malgré les efforts répétés de hautes personnalités internationales, il n'a jamais eu non plus le prix Nobel. Le bourgmestre Luger, un antisémite déclaré qui présida pendant de longues années au destin de la ville, et en qui Freud voyait positivement un ennemi personnel, pouvait bien symboliser cette Vienne réactionnaire et rétrograde qui, même à l'époque où Freud était fêté dans le monde entier, se mura dans son ressentiment. On conçoit que dans ces conditions matériellement et moralement pénibles, Freud ait souvent songé à émigrer. De fait, il rêva plus d'une fois de quitter Vienne et d'aller s'installer en Angleterre, où son frère Emmanuel s'était fixé avec sa famille. Un voyage qu'il y avait fait dans sa jeunesse lui avait laissé le souvenir d'un pays libre, propice au travail de la pensée et à une vie digne, en somme le contraire de celle qu'il trouvait à Vienne. Mais malgré son antipathie légitime, Vienne le tenait, et il tenait à elle. Chaque fois que les événements lui ont donné des raisons pressantes de partir, il a refusé d'abandonner. Il disait même de déserter la ville. Ainsi, il a partagé le sort de Vienne dans les pires moments de son histoire, pendant la Première Guerre, et après, quand l'Autriche mourait de faim, et que lui-même, privé de clientèle et de ressources, voyait le spectre de la famine. Même en 1938, quand l'invasion de l'Autriche par les nazis fut devenue inéluctable, il opposa le même refus à ceux qui voulaient le faire partir. Il fallut les efforts désespérés de ses élèves anglais et français, en particulier d'Ernst Jones et de Marie Bonaparte, pour qu'il consente enfin à l'exil. Il trouva donc un dernier asile en Angleterre, tout autrement qu'il ne l'avait rêvé. Et ce fut Londres qui, en lui faisant un accueil vibrant de chaleur et d'émotion, racheta l'ingratitude de Vienne. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique, une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, avec Michel Bouquet, Jacques Bretonnière, Pierre Leproux, Jean-Pierre Lituac et Maurice Nazil, origine et enfance de Freud. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 1er et 8 décembre 1962. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. You're so still that I find myself racing round, and you're so always given that one starts to feel pretty unkind, and you're so big in your loving that I never felt that small. Such an ocean of love that I washed up on shore. Such an ocean of love that I washed up on shore. I find myself heavy with past, and you're so confused by all I do that I'm a little lost too. And you seem so goddamn sure about me that I'm gonna prove you wrong. Such a no shame of love that I washed up on shore. Such an old shame of love that I washed up on shore.